l'édition de Météo GBL profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 88-276-6102. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Aujourd'hui, dans la section Grande entrevue, aujourd'hui, on parle avec l'ancien numéro 16 des Nordiques de Québec, Michel Goulet. Il manque environ 40 secondes à l'entrevue. On a eu des petits problèmes techniques. Donc, on se joint immédiatement à l'entrevue en cours. L'aréna, et puis pour moi, c'était comme... Un destin un peu pour moi. OK. Donc, ça a commencé à l'âge de très, très, très jeune dans ton Je pourrais dire 5 ans, tu sais, 3 à 5 ans. Là, okay. Tu sais, je pense que j'étais toujours sur la patinoire, puis je pense que j'avais toujours des patins dans les pieds. Et c'était réellement, c'était le comme on dit, le bon vieux temps. Il faisait froid, mais je pense qu'on s'endurcit. Donc, on a juste un but, c'est d'essayer de s'améliorer, puis de. Je pense que ça vient ensemble, dans le fond, quand tu. Quand tu aimes le sport ou qu'est-ce que tu fais, tu t'améliores, veux pas, tu vas t'améliorer, que ce soit dans n'importe quoi. OK. Michel, si on parlait, donc ça a commencé, tu dis à l'âge d'à peu près 3 à 5 ans environ, donc t'as comment, ouais. Évidemment, tu as connu une carrière incroyable, je pense, Hall of Fame, au temps de la renommée, mais tu as dû commencer avec un parcours de comme tout garçon, tu as commencé, j'imagine, d'abord tu as joué à l'aréna du secteur Mistassini. Ça a commencé comment, l'aréna du secteur de Mississippi? Je pense que ça a commencé, c'est jouer à Péribonka. Okay. Puis, à un moment donné, on jouait contre Mississippi, Dolbeau, de temps en temps. Nous autres, dans le fond, on jouait contre les villages des alentours, comme Saint-Jean-d'Arc, Saint-Augustin, tout le monde alentour de chez nous. Et puis, comme tu sais, ben, on jouait dehors, naturellement, et tout ça. Alors, je pense que ça a commencé, c'est quand que Gilles Roberge, je pense qu'on jouait contre Mississippi, Gilles Roberge m'a invité, nous a parlé à peut-être venir jouer avec les Mississippi. Ça, je te parle peut-être à l'âge de Pee-Wee, de première année de Pee-Wee, première ou deuxième année de Pee-Wee ou la première année de Pantam. Tu sais, je peux pas dire exactement le temps exact, mais je pense que c'était ma deuxième année de Pee-Wee. Et puis, et puis j'ai commencé, puis là, ben, quand que je jouais, pour te dire comment ça marchait, je jouais avec Péribonka, on battait Mississippi. Alors, mais quand que je suis arrivé avec Mississippi, on a joué contre Péribonka, naturellement, c'était quand même un autre ball game, ouais. Comme on dit, je pense que c'était pas juste, mais j'avais quelque chose que quand que je jouais contre Péribonka, je jouais pas contre Péribonka, je jouais avec. Oui, c'est sûr. Mais Michel, écoute, moi j'ai connu ça, moi, des matchs Saint-Augustin, parce que moi je viens de Saint-Augustin, Michel, là, donc j'ai connu ça, des matchs Saint-Augustin contre Péribonka, Saint-Augustin contre Saint-Eugène Milo, Péribonka contre Saint-Dac, il y avait même une petite ligue entre les quatre. Est-ce que tu étais dominant dans ces matchs-là? Oh mon Dieu, ma soeur, c'est drôle. Je te remonte loin, là. Ouais, tu me remontes loin, mais je sais que mon frère, des fois, je sais qu'il y a du monde qui ont écrit des lettres à ma mère ou à mon frère, Daniel, qui avait quand même, je pense, m'avait montré ça, qu'à un moment donné, j'avais joué contre Péribonka, et puis, tu sais, le monde disait que c'était pas correct, puis qu'est-ce que je faisais, tu sais, comment ça marche, dans le fond, Mais là, à un moment donné, j'ai dit, ben là, je jouerai plus jamais avec contre Péribonka. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé quand je jouais contre ces matchs-là? À Péribonka, là, on était 13-14 joueurs, là, on avait tout le même âge. Je pense qu'on avait du talent pour un petit village. Je pense qu'on était réellement bons. Et puis, on jouait contre Mississippi, des fois on les battait. Des fois on battait Dolbeau. Tu sais, ça arrive que, tu sais, quand tu parles d'un petit village de 500 personnes qui bat tu sais, une équipe de Dolbeau à 15 000 dans le temps, et Mississini à 5 000, tu sais, c'est la population. C'est apparemment que le monde commençait à regarder, voyons, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, comme tu dis, Saint-Jean-d'Arc, Saint-Eugène-Milo et Saint-Augustin, ça, c'était la grosse rivalité. Oui, c'était la grosse rivalité. Quand on pourrait en parler longtemps, parce que, tu sais, quelque part, j'ai connu ces matchs-là. Michel, mais parle, on va avancer, parce que, écoute, tu as connu une très grande carrière. Qui t'a, là, tu arrives à Mistassini, et là, tu performes beaucoup. Donc, tu jouais pour les Loups, je pense, à l'époque. Ça c'est quand que les Loups, là, ça, c'était la première année de, ils ont formé une ligue midget au lac Saint-Jean. Okay. Avec Robert Val, Saint-Félicien, Normandin, Dolbeau. C'était tous ces clubs-là. Et puis, naturellement, la rivalité Mississini-Dolbeau était très grande. Mm. Et puis, à un moment donné, la rivalité Robert Val avec nous autres, Dolbeau et Mississini, ça a été vraiment une belle ligue. C'était vraiment une belle ligue pour une première année, là. Ouais. Ça a réellement bien été. Et puis, c'est là que, tu sais, avec Gilles Morin, le coach, Michel Martel, j'ai resté en pension chez eux pendant des années, qui m'ont aidé énormément. Quand j'ai parti de Péribonka, je pense que c'est des deux gars-là qui m'ont réellement pris en main, puis ils m'ont aidé à m'adapter, puis à venir, je pense que j'étais toujours le bienvenu, puis je le suis encore. Alors, c'est quand tu regardes en arrière une carrière, il y a toujours des personnes qui t'ont aidé, et puis avec un petit peu de chance, on a réussi à monter. OK. Donc, il arrive après ça, les Loups de Mistassini, et là, tu t'en vas, donc là, et la prochaine étape, j'imagine, c'est junior, un peu comme le junior majeur, dans ton temps, ça n'existait pas, junior majeur, là, mais ouais. qui t'a voit à l'œuvre pour monter dans le junior majeur, l'équivalent du junior majeur? Ben, naturellement, nous autres, sa première année de la Ligue Midget de cette année-là, alors, il commençait à avoir des recruteurs qui nous suivaient un peu partout. Ouais. Et puis c'est là que à Saint-Jérôme, c'est vrai, Saint-Jérôme, il était dans la ligue aussi, dans notre ligue aussi. Ouais, Saint-Jérôme qui est Métabetchouan aujourd'hui. Là. Monsieur Colin Demin, il travaillait à temps partiel avec les Remparts de Québec. OK. Mais moi, naturellement, avec tout ce qui se passait, j'allais voir jouer les Saguenay de Chicoutimi une fois. J'étais ouais. là, wow, Tabarouette, ça, c'est un autre niveau, ça, là. Ouais, ouais. Quand tu joues midget, et puis là, tu vas voir un club de junior majeur, c'est pas la même chose, hein. Ouais. Et puis, je sais qu'on avait, en entremise de M. Robert, je pense, ou quelque chose, on avait, où il y avait les autres, naturellement, des dépisteurs aussi, qui avaient invité Yvan Gingras, qui était le coach, en ce temps-là, coach-gérant. Ouais. Et puis, venir jouer. Et puis, il était venu nous voir jouer une couple de fois. Il nous suivait un peu. Puis, il disait qu'en troisième, quatrième ronde, là, il aimerait bien ça me repêcher. Okay. Que pour moi, c'est pas quelque chose que, naturellement, tu connais pas. Tu sais pas qui vient te voir jouer. Tu sais pas ce que tu vois. Tu sais que ça va quand même assez bien dans ton année. Mais à part ça, tu sais absolument rien, dans le fond. Ouais. Alors, c'est là que ça a commencé à avoir de l'intérêt un peu pour le junior majeur. OK. Puis comment ça a été dans le junior majeur? Tu étais repêché en troisième, quatrième ronde, comme prévu? J'étais repêché en première ronde, cinquième. Oh, OK. Hey, monsieur, tu vas être le premier surpris? Surpris. Sais-tu pourquoi? Non. C'est parce que un mois avant le repêchage, M. Jean Rougeau, du National de Laval, était venu sur la ferme. OK, Jean Rougeau, c'est le père de... C'était l'ancien lutteur, c'est ça? Le lutteur, qui était propriétaire des Nationales de Laval dans le temps. Ouais. Il était venu chez nous avec un autre... Il y avait un programme à Dolbeau. au mois de mai, avant le repêchage junior. Et puis, il était venu sur la ferme. Puis il avait passé comme une coupe d'heure sur la ferme, nous autres. Puis, il me disait que moi, là... Il avait décidé de pas protéger les deux premiers choix. Cette année-là, là, je ne sais pas si je peux m'en souvenir, il y avait les deux premiers choix, ils étaient dans un rayon de 30 000, puis il les a même pas protégés parce qu'ils voulaient m'avoir. Okay. Les autres, ils repêchaient sixième en première ronde. Hey. Comment ça s'est passé ta première année? Ma première année, là, c'était incroyable. Ben, moi, j'ai pas fait d'équipe en première année. Les remports de Québec étaient une des meilleures équipes de la Ligue junior. Alors, M. Ron Rassette, j'ai été dans leur club ferme à Beauport, dans le junior 3, avec la TUC, le Cap de la Madeleine, cette ligue-là, cette belle ligue. Et puis ça allait, les premiers mois, ça a été quand même... le premier mois, ça a été quand même tranquille, mais au mois de novembre, décembre, là, ça a commencé à débouler, comme on dit. Ça a commencé à débloquer, puis à produire. Mm. Puis, aux fêtes, j'ai été rappelé. Après les fêtes, il y a un joueur des remparts qui s'est parti, qui est retourné à la maison. Il trouvait que le coach était trop dur. Alors, j'ai été rappelé. J'ai joué un match que j'ai pratiquement pas beaucoup joué, là. Mais mon premier vraiment match, là, je l'ai joué contre les Éperviers de Sorel. Okay. On perdait 8-2 après deux périodes. Puis on a gagné 9-8. J'ai fini avec 3 buts, 3 passes. Hey. Puis là, c'est là que M. Rassette a dit tu retourneras pas avec les Beauport, les cascades de Beauport. C'est là que ça a commencé à débouler, à dérouler, puis à bien noter. Puis j'ai fini la saison avec 17 buts en 30 matchs. Rapidement, quel trio tu jouais? C'était qui tes joueurs? Je jouais avec les deux meilleurs joueurs des remparts, Jean Savard et Eddie Godin. OK. Jean Savard, qui a été repêché deuxième ronde pour les... C'est deux gars de 19 ans. Deuxième ronde avec les Blackhawks de Chicago. OK. Puis Eddie Godin, qui a été repêché par Washington, je pense, cette année-là. Puis moi, je n'ai juste pas 16 ans. J'avais 16 ans. 16 ans, puis c'est incroyable. Et Michel, ouais. par la suite, ben là, faut aller vite parce que tu as connu quand même une belle carrière. On en pourrait en parler longtemps, mais par la suite, tu es l'Association mondiale. Évidemment, c'est... Non? OK. Oui, c'est ça. C'est l'Association mondiale. Évidemment, dans ce temps-là, faut savoir que l'Association mondiale faisait tout pour venir en compétition à la Ligue nationale de hockey. On allait chercher les meilleurs jeunes. Wayne Gretzky a commencé dans l'Association mondiale et tu as joué dans l'Association mondiale aussi. Comment ça a commencé pour t'emmener dans l'Association mondiale? Pour revenir un petit peu avant d'aller là, ma deuxième année avec les remparts, naturellement, on avait perdu comme 8-9 joueurs qui étaient rendus trop vieux. Alors, on recommençait à bâtir. Et puis, cette année-là, j'avais fini avec 73 buts en 72 matchs à 17 ans. Et puis là, c'est là que la Ligue, l'Association mondiale poussait de plus en plus pour essayer de forcer la Ligue nationale à se réunir les deux ensemble. Alors, il y avait question décidée de faire, c'est d'aller chercher les meilleurs jeunes talents. Les affaires qu'ils ont faites dans le passé, mais là, ils ont décidé d'y aller avec des plus grands noms. Et c'est là que Gilles Léger, dans le temps, qui était le gérant des Bulls de Birmingham, était venu, on s'avait assis, puis il dit « Tu t'en viens jouer avec nous autres. » Puis moi, j'avais juste 18 ans. Et puis les autres, toutes les autres avaient 19 ans, mais moi, j'avais juste 18 ans. Alors j'ai dit « Bon, mais si vous pensez que je suis capable de jouer là, je vais y aller. » Fait que j'ai décidé d'y aller. Et puis, j'avais avec Rob Ramage, Craig Hartsburg, Gaston Gingras, Pat Riggins, tous ces gars-là, et puis Louis Slager, lui qui avait 20 ans. Il venait juste d'avoir 20 ans. Donc avec les Bulls de Birmingham. Les Bulls de Birmingham, puis j'ai, en fin de compte, mes deux, naturellement, une place que j'ai jamais pris l'avion, jamais été aux États-Unis de ma vie. Alors, c'était tout nouveau, tout beau. Et puis, les deux premiers mois, un petit peu tranquille, comprend rien, naturellement, l'anglais. Ah oui. C'est là que Louis Slager, Gaston Gingras m'ont aidé énormément. Et puis, après ça, après les fêtes, c'est encore une fois, ça a débloqué. J'ai fini premier buteur du club. Hey, il y avait quand même des bons joueurs. Je suis sur la page des Bulls de Birmingham. Tu avais Rick Vive qui a joué avec les Leafs de Toronto, qui était un marqueur naturel incroyable aussi. Ouais. Il y avait également Paul. Ouais. C'est Paul Anderson, lui, qui a marqué le but en 72, c'est-tu lui? Paul Anderson, Paul Anderson. OK. Ah non, j'ai joué avec. Tous ces gars-là, ah non. Greg Osberg qui a eu une belle carrière avec les Red Wings, avec les North Stars du Minnesota, qui était entraîneur également. Pat Riggins, qui était un bon gardien de vue avec les Capitals de Washington. Ouais. Tous les gars ont été repêchés en première ronde, excepté Gaston. Gaston est en début de deuxième ronde. Okay. Mais tout le monde est en première ronde. Et puis Rob Ramage le premier, Hartsburg 3, 4e, Vive 5e. Quand on regarde la cédule, les joueurs de cette année-là, tous les gars de première ronde ont joué au hockey, ont joué dans la Ligue nationale. Ouais, c'était quand même très bon. Là. Je veux t'ouvrir une parenthèse, je veux savoir ce que tu en penses. On l'appelait le circuit maudit à l'époque. Là. Est-ce que c'est ça qui nuit à Jean-Claude Tremblay pour le fait qu'il ne rentre pas au temple de la renommée? Je ne sais pas si c'est le fait qu'il est allé là. Je pense que ce soit dans la Ligue, l'Association mondiale ou la Ligue nationale, c'est parce que c'est deux ligues différentes. Ouais, alors, ils font leur propre règlement. Mais il reste un fait que pourquoi pas reconnaître ces gens-là. Jean-Claude Tremblay est probablement un des joueurs de hockey un défenseur que tu ne vois plus jamais aujourd'hui. Non. Un gars incroyable, avec un talent extraordinaire et puis le contrôle de la rondelle, le jeu de passe, il était en dehors de, je pense que c'était un gars qui était excessivement bon. C'est un peu malheureux, mais je pense qu'à un moment donné, on va en venir là. À un moment donné, on va devenir que ils vont être obligés de reconnaître des gars comme lui, puis Marc Tardif, des gars qui ont eu des carrières incroyables dans l'Association mondiale et dans l'Union nationale, devraient être reconnus. Parce que ce qu'on dit, c'est la seule excuse, la seule explication qu'on voit pourquoi Jean-Claude Tremblay, selon certains, mais, joué, là, c'est qu'il aurait joué dans l'Association mondiale. Oh, pourquoi qu'on a des joueurs, des gars de la Russie, disons, qui sont dans le temple de la renommée, ils n'ont jamais joué dans l'Union nationale? De fait qu'on ne souhaite pas être capable de reconnaître qu'est-ce que c'est. Premièrement, là, ces gars-là, là, ils ont aidé les autres joueurs de hockey incroyables à augmenter les salaires un petit peu et avoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les jeunes aujourd'hui? Le hockey est là parce que ces gens-là, en 70, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? C'était incroyable pour le hockey. Ils disaient le circuit maudit parce que il forçait la Ligue nationale à payer plus ses joueurs. Si tu as une compagnie, il faut que tu payes tout le monde un peu plus cher. Tu n'es pas content, mais il reste que pour les joueurs, pour la session, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces joueurs-là? OK. Michel, par la suite, arrive les Nordiques de Québec. Moi, je me rappelle, c'est là qu'on sait que j'ai commencé à connaître ta carrière. Qu'est-ce qui est arrivé? Évidemment, c'est parce que tu es arrivé avec les Nordiques parce qu'il y a eu la fusion de l'Association mondiale et la Ligue nationale. Les Nordiques jouaient dans l'Association mondiale. C'est ça qui t'a amené à venir avec les Nordiques, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est là qu'à un moment donné, je sais que tout le monde, je parlais à bien des clubs, il y avait des clubs qui étaient intéressés. Et puis pour moi, je pense qu'on avait avec Marcel Aubu, puis Maurice Filion, puis Guy Bertrand dans le temps. On avait quand même manigancé que si Maurice Léger aussi. Filion. Gilles Léger était lui plus avec dans le temps il était mon gérant avec des Birmingham. Ouais. Mais il est venu aussi, je ne sais pas s'il était là-dedans, mais dans le temps, il avait commencé à travailler avec nous autres un petit peu plus tard dans la saison. Alors, mais je ne sais pas s'il était impliqué là-dedans. Mais il reste qu'on avait gamblé un petit peu le fait que si un autre club me repêchait, j'irais pas. Mais ça, c'est sûr que c'était un gamble. C'était juste, dans le fond, essayer de marcher, que je sois repêché avec les Nordiques. Mais il reste que ça a marché. Et puis, naturellement, si Toronto décide de me repêcher, j'y vais, dans le fond. C'était juste un bluff, dans le fond, mais que ça a marché. Et puis, on a sûrement été bien contents, puis j'ai adoré jouer avec les Nordiques. Ouais. 22, ta première saison avec les Nordiques, 22 buts, 32 buts ta deuxième saison, 42 buts, c'est après que c'est en 81-82, 42 buts, c'est extraordinaire, mais en 82-83, 57, 56, 55, 53, 49, 48, avec ton compagnon Dale Hunter. Ouais. Écoute, les Nordiques, c'était vraiment... C'était spécial, avait, pareil, dans le temps. Ben, naturellement, on avait la rivalité naturelle avec Canadien, Montréal, que je pense que tous les amateurs de hockey manquent ça. Je suis certain que, peu importe à qui tu vas parler aujourd'hui, ça a été des plus beaux moments de hockey pour la province de Québec. Pour la province de Québec, tu peux pas battre ça, dans le fond. Tu peux pas battre ça. Les beaux matchs, c'était toujours un match excellent, extraordinaire. Alors, il reste que, c'était du beau hockey. En plus, on avait une équipe qui était excitante. On avait un club qui marquait des buts, qui, tu sais, avec l'arrivée de Michel Bergeron, qui aimait bien gros l'offensive et puis tout ça. Alors, ça, toutes ces affaires-là, ça s'est concrétisé. Puis ça, à un moment donné, on avait quand même un beau club de hockey. Ah, écoute, moi, c'est pas mal je suis pas mal tous les sports, là. Puis c'est la rivalité dans le sport professionnel qui. Il n'y a rien qui est à côté de ça. Il y a peut-être les Yankees contre les Red Sox qui s'accotent un peu, puis encore là. Mais il faut dire que Michel Bergeron et Jacques Lemaire, tu sais, on dit tout le temps que c'était des personnages pour attirer également cette rivalité-là. C'est ça qui a fait. Je pense que c'est des personnages complètement différents. Un qui était exubérant et tout ça, et l'autre était tranquille. Et puis, tu sais, c'était complètement différent. Tu sais, c'est comme Jean Perron après ça. Tu sais, Jean Perron avec le Canadien, il disait pas un mot. Tu sais, c'était complètement différent de Bergeron. Alors, il reste que tout ça faisait que c'était un peu deux équipes différentes de la façon qu'ils opéraient, de la façon de leur système de jeu. Mais il reste que, dans l'ensemble, les matchs qu'on avait, c'était des matchs extraordinaires à regarder. Je suis convaincu. Ouais. La rivalité également. On peut comparer. C'est souvent les personnages qui font les rivalités. Je ne sais pas si tu as connu ça. Tu étais à Denver à l'époque, mais Richard Martel et Patrick Roy ne donnaient pas leur place non plus. C'était dans le junior major, c'était quelque chose qui était le même. Fait que, Aucun doute. Patrick, peu importe où ce qu'il est, il y a de l'action. OK. Il y avait Rendez-vous 87 également, qui a été probablement l'un des plus grands faits marquants du hockey à Québec. C'était grandiose à l'époque, puis tu as participé à ce match-là. C'était tous les meilleurs joueurs de la Ligue nationale qui essayaient deux matchs contre l'armée rouge de la Russie. Alors, c'est des matchs, c'est le fun, peut-être pour les amateurs. Pour les joueurs, c'est un peu plus difficile. Tu sais, c'est un petit peu plus difficile. On avait, je pense que c'est le match qu'on a. En tout cas, peut-être que je m'amène à la Ligue nationale avait gagné le premier match sur un but, je pense, de Mario Lemieux. Dave Poulin, je pense que vous aviez perdu le deuxième match par Valérie Kamensky, qui avait été vraiment extraordinaire. Qui appartenait au Nordique. Je me souviens parce qu'après le match, j'ai dit pourquoi il n'est pas avec nous autres, lui. Il y avait-tu des culottés Rick Green? Je ne sais pas si tu t'en rappelles de cette séquence-là. Rick Green, qui était un très bon défenseur défensif. Tu l'avais déculotté comme un enfant d'école. C'était incroyable. Valérie, Kamensky n'a déculotté pas mal des joueurs. Michel Superman, on va faire un joueur. Par la suite, on va parler de l'échange qui t'a envoyé au Blackhawks de Chicago et la fin de ta carrière et ta carrière de dépisteur. Écoute, d'entrevue avec Michel Goulet. Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige? Chalet Nature Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière située à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean, tout près du Sentier fédéré. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Michel Goulet. Michel, là arrive évidemment une période, probablement la période la plus sombre des Nordiques en 89-90. Évidemment, là, Maurice Filion et tous les Nordiques, c'était maintenant la période de reconstruction. Dans la même année, je pense qu'il se passe au Blackhawks de Chicago en retour. De mémoire, je n'ai même pas été voir sur Internet, il y avait Everett Sanipas, il y avait Daniel Vincelette dans l'échange également. Et. Pour toi, je pense que quelque part, c'était un changement bénéfique pour ta carrière, parce qu'ils ont dit qu'elle allait nulle part, puis les Blackhawks voulaient aller plus loin. Aucun doute. Donc, ça a donné un peu de... Tu sais, c'est un peu... Tu sais, quand t'es un peu comme moi, puis Peter, puis tout le monde qui ont été là pendant des années, tu t'aperçois que le club est en reconstruction. Alors, tu te dis, tu es rendu à un âge, tu sais, naturellement, il en reste moins à faire. Ouais. T'es rendu dans 30 ans, 32 ans, alors c'est le temps de peut-être penser à jouer, peut-être essayer ta chance avec un autre club. Puis c'est là que les Blackhawks de Chicago sont venus, puis ils ont décidé de faire l'échange. Et puis il y avait Mario Doyon aussi. Mario Doyon, qui était là-dedans. Alors, on avait tout, on m'avait ramassé à Chicago. Pour moi, je pense que c'était le bienvenu. Puis les Nordiques aussi, naturellement, les autres, ils voulaient reconstruire. Il m'avait échangé, le lendemain, il avait échangé Peter Stachny à New Jersey. Alors, tu voyais que le club, ça avait commencé bien avant ça, la reconstruction, mais tu voyais que il y avait un but de reconstruire. Et puis, je pense que ça fait partie des affaires, de la business, comme on dit, ça fait partie du hockey. Et puis, d'un autre côté, à moi, ça m'a donné la chance de continuer ma carrière. Est-ce qu'on t'avait consulté avant l'échange? Parce que souvent, des vétérans comme toi, là, qui ont rendu des précieux services, là, au hockey, je sais qu'au baseball, ça se voit, il y a des clauses. Ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas de clause de non-échange, je pense. Non. Aujourd'hui, il n'y en avait pas eu. Mais, aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a partout, oui. Mais est-ce qu'on t'avait donné une coupe d'équipe que tu voulais aller? Parce que ça se fait souvent, mais dans le temps, c'était ça même aussi? Ce que je me souviens, là, Maurice Pignon nous avait dit qu'il m'avait dit qu'après qu'on soit entendu que c'était le temps, les autres, naturellement, ils voulaient m'échanger aussi. Puis moi, ben, il essayait de faire ça bien amicalement, naturellement. On voulait pas avoir de bombe qui explose. Puis ça porte tout croche. Et pour moi, on était bien entendu entre les deux clubs, entre les deux parties, que c'était le temps de jouer au hockey ailleurs. Et puis c'est ce qui est arrivé. Je sais que dans le temps, il y avait Boston, Chicago, ces clubs-là, Minnesota. Il y avait 3-4 clubs qui étaient très intéressés, mais je sais que Chicago, c'est celui que les Nordiques ont décidé de faire. Aussi, là. Faut qu'il y ait un fit parfait. Ben, pour moi, il y avait un beau club en plus. En plus, il y avait un beau club de hockey. Et là, arrive la blessure, je pense. C'était au centre. C'était au Centre Bell ou le Forum, peu importe, là. Au forum. Okay. Donc, la blessure et commotion cérébrale, que, encore aujourd'hui, je pense que tu as des séquelles de ça, si je m'abuse. Est-ce que, selon toi, là, si tu n'aurais pas eu cette blessure-là, tu aurais été capable de jouer encore 2-3 ans? Facilement. Donc, je pensais, que je savais de signer. J'avais une année d'option qui s'en venait, et pour moi, c'était sûr que j'aurais aimé ça jouer un autre 2-3 ans. Disons que je marquais 25-30 buts dans ce temps-là. Alors, il reste que... Non, on ne saura jamais, dans le fond. c'est arrivé au Forum le 16 de mars 1994. Ça a été en première période. Et puis, un accident banal, un accident incroyable. Mais ça arrive. Et puis, je pense que c'est le jeu de la vie, dans le fond. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Puis... naturellement, j'ai été dans le coma pendant un certain temps. Et puis, à partir de là, disons que ça a été de la réhabilitation pendant 2 ans de temps. Et puis, là, on sait que des fois, tu as des moins bonnes journées, mais il reste dans l'ensemble. On est en vie, puis on réussit à continuer et puis de faire du mieux qu'on peut. C'était une sévère commotion cérébrale, mais est-ce qu'avec aujourd'hui, parce que dans le temps, même en 94, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on y fait beaucoup plus attention. Est-ce que ça aurait, avec les technologies, avec la médecine, ça aurait arrivé, genre aujourd'hui? Est-ce que ça aurait eu moins d'impact sur ta vie? Ah, oh, ben, je pense que ça va arriver aujourd'hui. Je ne sais pas, dans le fond. Il reste qu'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, dans notre temps, je pense qu'il donnait un petit sniffer, comme on dit, essayer de te réveiller, puis, ah, oh, t'es-tu correct? Comment est-ce qu'il te doit? Ouais. Tu sais, je veux dire, je pense que les docteurs aujourd'hui, c'est comme les joueurs, dans le fond. Tout s'améliore, ça s'améliore tout le temps, puis tu fais attention, puis. Quand tu vois qu'il y a un gars qui est hésitant à répondre ou quelque chose, il n'y a aucun doute que c'est sûr qu'il ne jouera pas. Alors, c'est dans tous les sports. Tu parles d'une affaire de 25-26 ans. Alors, il reste que... En 26 ans, il y a bien des affaires qui se passent. Et puis, les docteurs, aujourd'hui, il n'y a aucun doute qu'ils en savent plus sur les commotions. Oui. Michel, après ça arrive ton rôle de dépisteur avec l'Avalanche du Colorado, après ça avec les Flames de Calgary, je pense, si tu me corriges. Après ça, là, maintenant, tu travailles pour les Penguins de Pittsburgh. Est-ce que tu aimes autant ça qu'avant? J'adore ça. Je pense que c'est fun. Tu sais, quand tu regardes dans ta carrière, il y a toujours du monde, il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider, qui t'aide énormément. Puis, des fois, c'est juste un petit conseil à un joueur que tu vois et puis... Tu lui donnes un petit conseil, puis ça fait des fois un gros changement dans leur carrière, de la façon qu'ils jouent, de la façon qu'ils se préparent. Alors, c'est comme dans mon temps que, quand j'ai commencé, tu avais des Marc Tardif, des Buddy Cloutier, tu sais, des gars, des bons joueurs de hockey, des fois, qui te disent juste un petit mot que ça change un peu ta vision, de la façon que tu veux jouer, de la façon qu'il faut que tu joues. Alors, l'expérience, c'est comme dans n'importe quoi, que ce soit à la radio ou... sur la glace, quand tu as l'expérience, tu te prépares, tu sais que ça va bien aller. Puis tu aimes ça en plus. Alors, tout ça ensemble, ça fait que tu t'améliores et puis c'est toujours des moments que j'ai toujours été reconnaissant des joueurs, de mes anciens coéquipiers ou les coachs qui m'ont aidé. Ouais. Michel, très intéressant, m'a dit en affaire, on aurait pu parler longtemps encore une fois, mais venez avec la carrière que t'as connue, écoute, juste parler des matchs Péribonka-Saint-Augustin. Merci, quand t'as connu ça, c'est spécial, là. Fait que, au plaisir de s'en parler, joyeuses fêtes, pas mal intéressant de faire une entrevue avec toi, au plaisir de s'en parler. Merci bien, puis rappelle n'importe quand. L'ancien numéro 16 des Nordiques de Québec, Michel Goulet.